sur mon piano. J'ai le cœur en lambeaux. Je n'arrête pas de jouer cette mélodie. Depuis le jour où tu es parti, assis seul au piano. Si quelqu'un d'autre remplace moi, que je n'ai pas prononcé depuis, depuis le jour où tu es parti, ce que j'aimais.